Chapitre 26. Le professeur Weyman dit son mot. Deux fois par jour, désormais, Sandy McTrigger apportait à Kazan de la viande fraîche. Il ne lui donnait ni poisson, ni graisse, ni bouillie à la farine, mais seulement de la viande crue. Il lui rapporta un jour, de 5 milles de distance, les entrailles encore chaudes d'un caribou qu'il avait été tué tout exprès. À ce régime reconstituant, Kazan ne tarda pas à recouvrer la santé et à se refaire de la chair et des muscles. McTrigger ne le battait plus, et c'était Kazan qui l'accueillait au bout de sa chaîne, en grondant et en découvrant ses crocs. Un après-midi, Sandy amena avec lui un autre homme. Kazan bondit soudain sur l'étranger qui s'était approché d'un peu trop près et qui sauta en arrière avec un juron étouffé. « Il fera l'affaire, » grogna-t-il. « Il est plus léger de 10 à 15 livres que mon Danois, mais il a ses crocs et la rapidité. Avant qu'il ne touche le sol, ce sera un beau spectacle. »« Touche le sol !» rétorqua McTrigger. « Je te parie 25% de ma part de bénéfice. » Que ma bête n'aura pas le dessous. Top là, dit l'autre. Combien de temps encore avant qu'il ne soit en forme? Sandy réfléchit un moment. Une semaine, il n'aura pas avant tout son poids. L'homme acquiesça de la tête. Ce sera donc pour aujourd'hui en 8 au soir. Et il ajouta 50% de ma part que mon Danois tuera ton champion. Sandy McTrigger regarda longuement Kazan. « Je te prends au mot, » dit-il finalement. Et, secouant la main de l'étranger, « Je ne pense pas qu'il y ait d'ici au Yukon un seul chien qui soit capable de venir à bout de ce métis de loup. » L'heure était à point pour offrir aux gens de Red Gold City une fête de ce genre. Ils avaient bien, pour se distraire le jeu et les tripots, quelques rixes de temps à autre et les joies de l'alcool, mais la présence de la police royale avait mis un frein à l'excès de ces divertissements. Comparée à celle que l'on menait à plusieurs centaines de milles vers le nord, dans la région de Dawson, la vie était austère et plate à Red Gold City. Dawson est une ville du Klondike. L'annonce du combat organisé par Sandy McTrigger et par le tenancier du bar, John Harker, fut accueilli par de multiples bravos. La nouvelle s'en répandit sous le manteau à 20 milles à la ronde et agita toutes les cervelles. Au cours de la semaine qui précéda la rencontre, Kazan et le gros Danois furent dans une arrière-pièce du bar, exhibés chacun dans deux cages de bois construites tout exprès. Le chien de Harker était un métis de grand Danois et de Mâtin. Né dans le Northland, il avait porté le harnais et tiré les traîneaux. La fièvre des paris commença. Ils étaient pour le Danois dans la proportion de 2 à 1. Parfois, ils montaient à 3 contre 1. Les gens qui risquaient sur Kazan leur argent et leur pain étaient d'anciens familiers du Wilderness. Ils savaient ce qui signifiait, comme force et comme endurance, l'éclat rougeâtre qui luisait aux yeux du chien-loup. Un vieux trappeur devenu mineur confiait à voix basse à l'oreille de son voisin. « C'est pour celui-ci que je ferai ma mise. Il battra le Danois à plate couture. Le Danois n'aura pas son savoir-faire. »« Mais il a le poids, » répliquait l'homme qui doutait. « Regarde-moi ses mâchoires et ses épaules. » « Regarde toi-même, » interrompit le vieux trappeur, « les pattes trop faibles de ton champion, sa gorge tendre et trop exposée aux crocs du chien-loup et la lourdeur de son ventre. Pour l'amour de Dieu, camarade, crois-moi sur parole, ne mets pas ton argent sur le Danois. » D'autres hommes prirent part à la discussion qui tenait chacun pour une des deux bêtes. Kazan, tout d'abord, avait grondé vers toutes ces faces qui l'entouraient. Puis il avait fini par se coucher dans un coin de la cage, la tête entre ses pattes, et il regardait les gens maussades et silencieux. Le soir du combat, La grande salle du bar de Jan Harker se trouva complètement déblayée de ses tables. Surélevée sur une plateforme de 3 pieds de haut, une grande cage de 10 pieds carrés, autour de laquelle des bancs avaient été rangés, occupait le milieu de la pièce. La partie supérieure de cette cage était ouverte et, au-dessus, pendaient du plafond 2 grosses lampes à pétrole munies de réflecteurs. 300 spectateurs, qui avaient payé chacun $5 d'entrée, attendaient l'arrivée des 2 gladiateurs. Le gros Danois avait été introduit le premier dans la grande cage. Il était 8 heures du soir lorsque Harker, McTrigger et 2 autres hommes apportèrent dans la salle, à l'aide de forts brancards de bois passés en dessous d'elle, la cage où était Kazan. Le Danois, qui clignotait des yeux sous la lumière crue des réflecteurs, en se demandant ce qu'on lui voulait, dressa les oreilles lorsque le chien loup fut introduit près de lui. Mais Kazan ne montra pas ses crocs et c'est à peine s'il se raidit sur ses pattes pendant quelques instants. Ce chien qu'il ne connaissait pas lui était indifférent. Le Danois ne bondit ni ne grogna. Kazan non plus ne l'intéressait point. Il y eut parmi le public un murmure de désappointement. Le gros Danois tourna son regard vers les 300 faces de brutes qui l'entouraient et parut les examiner curieusement en se dandinant sur ses pattes. Kazan fit de même. Un rire de dérision se mit à courir sur les lèvres de cette foule étroitement tassée dans la salle et qui était venue là pour un spectacle de mort. Des cris d'animaux et des quolibets partirent à l'adresse de McTrigger et de Harker et une clameur grandissante s'éleva qui réclamait la bataille promise ou le remboursement du prix des places. La figure de Sandy était pourpre de mortification et de rage. Sur le front de Harker, les grosses veines bleues s'enflaient comme des bourrelets au double de leur grosseur normale. Le tenancier du bar montra le poing à la foule et hurla « Vous êtes bien pressé, tas d'idiots! Laissez-les prendre contact! Patience, s'il vous plaît !» Le tumulte s'apaisa et les yeux se reportèrent à nouveau vers la cage. Kazan était venu, en effet, se placer en face de l'énorme Danois et celui-ci avait commencé à dévisager Kazan. Puis le chien loup s'avança imperceptiblement. Avec prudence, il se préparait à bondir sur son adversaire ou à se jeter de côté s'il y avait lieu. Le Danois l'imita. Leurs muscles à tous deux se raidirent. On aurait pu dans la salle entendre maintenant le vol d'une mouche. Sandy et Harker, debout près de la cage, respiraient à peine. Les 2 bêtes, pareillement splendides, les 2 lutteurs de tant d'impitoyables batailles, allaient sans nul doute, par la cruelle volonté des hommes, livrer leur dernier duel. Déjà les 2 animaux s'affrontaient. Mais à ce moment, que se passa-t-il en eux? Est-ce Ozeki, le grand esprit des solitudes, qui opéra dans leur cerveau et leur fit comprendre que, victimes de la barbarie humaine, ils avaient l'un envers l'autre un impérieux devoir de fraternité? Toujours est-il qu'à la seconde décisive, alors que toute la salle haletante s'attendait à une mutuelle prise de corps imminente et féroce, on vit le gros Danois lever lentement sa tête vers les lampes à pétrole et esquisser un bâillement. Harker, qui voyait son champion offrir ainsi sa gorge au croc de Kazan, se mit à trembler de tous ses membres et à proférer d'affreux blasphèmes. Kazan pourtant ne bondit pas. Le pacte de paix avait été mutuellement scellé entre les 2 adversaires qui, se rapprochant l'un de l'autre, épaule contre épaule, parurent regarder avec un immense dédain à travers les barreaux de leur prison la foule à nouveau furieuse. Ce fut cette fois une explosion de colère, un mugissement menaçant, pareil à celui d'un ouragan. Exaspéré, Harker tira de l'étui son revolver et coucha en joue le gros Danois. Mais par-dessus le tumulte, une voix s'éleva. « Arrêtez !» jeta-t-elle d'un ton de commandement. « Arrêtez au nom de la loi !» Il y eut un silence soudain et toutes les figures se retournèrent vers la voix qui parlait. Deux hommes étaient montés sur des tabourets et dominaient les assistants. L'un était le sergent Brokaw de la police montée du Nord-Ouest. C'est lui qui avait parlé. Il tenait sa main levée pour ordonner attention et silence. L'autre était le professeur Paul Wayman. Ce fut lui qui, protégé par la main levée du sergent, prit ensuite la parole. « Je donnerai, dit-il, au propriétaire $500 pour ses chiens. » Il n'y eut personne dans la salle qui n'entendit l'offre ainsi faite. Harker regarda Sandy. Leurs deux têtes se rapprochèrent. « Ils ne veulent pas se battre, continua celui qui était survenu, et ils feront d'excellents chiens de traîneau. Je donnerai au propriétaire $500. » Harker fit un geste indiquant qu'il voulait parler. « Donnez-en 600. Oui, 600, et les deux bêtes sont à vous. » Le professeur Paul Wayman parut hésiter, puis il acquiesça de la tête. « Je paierai 600, affirma-t-il. La foule recommença à grogner. Harker grimpa sur la plateforme qui supportait la cage. « Je ne suis point responsable, clama-t-il, pas plus que le propriétaire du chien-loup, s'ils n'ont pas voulu se battre. S'il est toutefois parmi vous des gens assez peu délicats pour exiger le remboursement de leur argent, on le leur rendra à la sortie. Mais nous sommes innocents de ce qui se passe. Les chiens nous ont roulés, voilà tout. » Paul Wayman, accompagné du sergent, s'était frayé un chemin jusqu'à la cage et, tout en sortant de sa poche une liasse de billets dont il compta 300 à John Harker et 300 à Sandy McTrigger, il dit à mi-voix aux deux bêtes qui le considéraient curieusement à travers les barreaux « C'est un gros prix, un énorme prix que je paie pour vous, mes petits amis. Mais vous me serez utile pour poursuivre mon voyage et bientôt, j'espère, nous serons les meilleurs camarades du monde. »